Kanyangi. Bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute de la dernière édition en français de ce 26 janvier. En voici les grands titres. Clôture ce samedi à Gitega d'une croisade de prière du parti au pouvoir. Le sein des DFDD, les Bagumyabanga ont appris qu'ils ont déjà contribué à hauteur de plus d'un milliard de francs burundais pour la construction d'un centre multifonctionnel de ce parti. Suspension publique ce vendredi d'un élu collinaire de Mutambara par l'autorité communale de Lumonge. Il est accusé de malmener un policier. Lancement officiel ce vendredi en province Ruyigi, des activités complémentaires au projet d'appui aux filets sociaux Mirangabandi, but ultime, sortir de la pauvreté et vivre comme les autres de façon durable. Dans ce journal, nous vous parlerons d'une compétition de Miss Mutwakazi. Le président de l'organisation de cette compétition nous en dira plus dans cette édition mise en onde par Eli Kadogo. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Rebonsoir. Clôture ce samedi de la croisade de prière de trois jours organisée par le parti présidentiel CNDD-FDD au chef-lieu de la province de Gitega. Le président de la République du Burundi a fait savoir que dans la prière, il y a une force salutaire. Le président Pierre Nkurunziza, en outre, il a été communiqué que les Bagumyabanga ont déjà donné des contributions oscillant autour d'un milliard 870 millions de nos francs destinés à la construction d'un centre multifonctionnel de ce parti à Gitega, les précisions de Gérard Nibigira. Dans son discours de clôture de cette croisade de prière, Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, en même temps président du Conseil des sages du parti présidentiel CNDD-FDD et aussi guide permanent de son même parti, a fait savoir que dans la prière, il y a de la force salutaire qui délivre les gens de leurs difficultés, qui les guérit et qui les transforme en se désolidarisant de tout mal. Il a saisi cette occasion pour prier pour les Burundais et le Burundi. Et les étrangers vivant dans notre pays. Il a aussi prié pour que Dieu pardonne les politiciens burundais qui auraient fait du mal. Il a remercié Dieu pour avoir fait que le CNDD-FDD remporte les élections et continue à diriger le pays au moment où, dans notre histoire, il y en a qui ont gagné les élections et n'ont pas fait long feu. De son côté, le secrétaire général du CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye, a dit que son parti porte en son sein les militants qui sont fidèles des confessions religieuses différentes, mais qu'ils sont caractérisés par une unité particulière. Il a souhaité que cela perdure. Lazare Naonvu, qui est un des cadres du parti présidentiel, a informé les Bagumyabanga que ces derniers ont déjà donné leur contribution qui oscille autour d'1,870 milliard de nos francs destinés à la construction d'un centre multifonctionnel du CNDFDD dont les travaux de construction sont déjà en cours à Guité. Dans l'endroit où est en train d'être construit ce centre, le CNDD-FDD y a déposé une grosse pierre à l'an 2016 lors d'une croisade de prières qui s'y est déroulée. C'est dans la ville de Gitega, au quartier Magarama, sous quartier Place. Cette croisade qui a été clôturée ce samedi a duré trois jours. Depuis Gitega, Jean Nguidila pour la radio Isanganiro. Toujours en page politique, mais cette fois-ci au sud du pays, il y a eu suspension temporaire publique ce vendredi par l'administrateur communal de Lumonge d'un élu collinaire de Mutambara. Parmi les accusations, Bizimana Emile aurait malmené un policier jusqu'à déchirer sa tenue. Les précisions de Jean-Pierre Misago. Bizimana Emile, le cinquième des élus collinaires de Mutambara en commune et province Lumonge, est celui-là suspendu temporairement de ses fonctions depuis l'après-midi de ce vendredi dans une réunion de sécurité qu'il a tenue l'après-midi de ce vendredi au marché de Mutambara. Célestin Nitanga, administrateur communal de Lumonge, a déclaré publiquement qu'Emile Bizimana a malmené jusqu'à déchirer sa tenue. Le soir de ce mardi, un des policiers positionnés à Makombe, dans leur intervention pour ramener de l'ordre dans un bistrot de la place suite à l'ivresse, un bistrot qui serait tenu par le petit frère de cet élu collinaire. Des témoins sur place à Makombe indiquent que cet élu collinaire, qui avait lui-même pris un verre de trop, a d'abord giflé ce policier. Pour Célestin Nitanga, un tel responsable culinaire qui a même entretenu une insécurité dans sa famille ne peut en aucun cas continuer à diriger les autres. L'administrateur communal de Rumonge dit attendre seulement l'aval du conseil communal de Rumonge pour le remplacer par celui qui occupait la sixième place sur la liste des élus culinaires de Mutambara. Entre-temps, Émile Bizimana est retenu au cachot de la police de Rumonge, selon l'administrateur communal de Rumonge. Jean-Pierre Misago depuis Mutambara, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre. À Misago, restons au sud du Burundi, cette fois-ci en province Bururi, où trois personnes, dont un certain Nyandu Emery, qualifiés de bandits de renom par l'administration collinaire de Kiremba dans cette province, sont dans les mains de la police de Bururi depuis jeudi. C'est après une fouille opérée dans la maison d'habitation à Gwanghona, sur cette colline de Kiremba. Une fouille au terme de laquelle plusieurs objets, dont 20 casiers de produits Braoudi, ont été saisis. Certains avaient été volés dans un hôtel de bouteilles remis au propriétaire. Et certains des habitants de Kiremba contactés demandent que la loi soit appliquée, surtout que ce n'est pas la première fois que le nommé Nyandu Emery est attrapé. De son côté, Frédéric Nionzima, gouverneur de Bururi, appelle sa population à s'adonner plutôt au travail quotidien. Restons au sud de Burundi, en province Makamba, où les albinos doivent commencer à entreprendre pour se développer parce qu'ils sont eux-mêmes capables. Cela est dit par Vestine Nzojimana, une fille albinos taillée au marché central de Makamba. Cet albinos dit qu'ils sont comme tant d'autres. La différence n'est que la couleur de leur peau. Les précisions de Jérôme Hakizimana. Nous sommes au marché central de Makamba, précisément dans les stands de tailleurs. Nous y rencontrons Vestine Nzojimana, une fille albinos tailleur. Elle a 20 ans, native de la colline Mulango, zone Gitaba, dans la commune province Makamba. Elle a quitté le banc de l'école, étant en deuxième année primaire, faute de la pauvreté. Maintenant, elle exerce le métier de coudre dans son marché avec les autres tailleurs. Après avoir décroché la machine à coudre dans le centre Makamba Tifor, après quelques jours qu'elle y suivait la formation relative à son métier, cette albinos a par après décidé de solliciter une place où elle peut implanter sa machine au marché. Reçue, elle commença le métier, même si son commencement semblait difficile. Vestine Nzojimana fait un appel à ceux qui pourraient l'aider, disant: cette albinos, déjà vaincu les mentalités paysannes relatives à ces derniers, invite les autres albinos à s'entreprendre. Les tailleurs qui travaillent avec elle là-bas au marché central de Makamba affirment qu'ils ont bien reçu son arrivée et qu'ils cohabitent paisiblement. Nizigama Emeline, petite sœur de cet albinos, dit que Vestine Nzojimana est considérée comme un bon exemplaire dans la famille, qui grâce à elle, elle connaît coudre elle aussi. La commune salue cette initiative et fait appel aux autres albinos de savoir qu'ils ont eux aussi une contribution dans le développement du pays, comme le dit Sylvie Ndagijimana, conseiller communal chargé du développement dans cette commune Makamba. Au niveau de la commune, d'abord nous encourageons cette fille qui a déjà entrepris son métier de couture, mais aussi nous encourageons les autres filles ou femmes, même des hommes albinos, d'entreprendre des métiers et de participer dans des métiers divers, sans distinction de métier. Jérôme Akizimana depuis Makamba, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 18h09 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. Promouvoir les jeunes filles d'ethnie Batwa et leur enseigner les valeurs de la culture burundaise, tels sont certains des objectifs qui ont poussé la Fondation Femi d'Ojaba à organiser une compétition dénommée Higano Gyabigeme Watwa Kazindanga Karanga. Lors d'une conférence de presse ce samedi, Isaac Bakanibona, président de l'organisation de cette compétition, indique qu'ils vont sensibiliser les filles Batwa pour qu'elles participent elles aussi massivement dans cette compétition. Suivez Isaac Bakanibona, président de l'organisation de cette compétition. Considérant que le réat de la compétition Miss Burundi reçoit un prix d'or, y compris un rang protocolaire de prestige, pendant toute une année, et sans toutefois prise en compte d'autres opportunités d'épanouissement socio-économique, constatant qu'on manque de participation des jeunes filles battoires, M. Félicien Minan Sengiyoum, représentant légal de la Fondation Femi d'Ojaba, s'est interrogé si les problématiques qui empêchent les très belles, gentilles, intelligentes filles battoires de participer à cet événement plein de bonnes opportunités. Dans son souhait de voir un jour une Miss de l'ethnie, toi, il a saisi la Fondation Femi d'Ojaba pour étudier la faisabilité d'organiser un concours de Miss parmi les filles battoires du Burundi pour les sensibiliser et les encadrer afin de les inciter à prendre part à cet événement culturel et historique. C'est dans cette optique que le projet de compétition Ikiganwa Ryabigeme Batwa Kazi Ndangakaranga a pris naissance. L'objectif global du projet est de trouver une jeune fille de l'ethnie ou plusieurs qui peuvent participer dans la compétition Miss Burundi. Je tiens à vous informer que l'idée est née à la fin du mois d'octobre 2018, mais jusqu'à ce jour que nous sommes, nous avons déjà réalisé tant d'activités, à savoir des activités de sensibilisation et de recherche des partenaires et alliés au projet ont été organisées et se poursuivent jusqu'aujourd'hui. Poursuivons cette édition par cette page agriculture en province Ruyigi-Céleste du Burundi, où il y a eu lancement officiel ce vendredi au chef-lieu de cette province des activités complémentaires au projet d'appui aux filets sociaux Merangabandi. L'objectif de ces activités est centré sur le changement et que les ménages assistés dans ce projet puissent sortir de la pauvreté et vivre comme les autres d'une manière durable. D'été avec Jean-Claude Chimiliman. Des enseignements visant à relever le capital économique, le capital humain et le capital social vont être dispensés à 12 000 ménages de la province Ruyigi qui reçoivent l'assistance monétaire du projet Merangabandi. Ces activités complémentaires au transfert monétaire ont été organisées parce qu'il n'est pas facile pour les ménages les plus pauvres de relever le niveau de santé, l'habitat, l'éducation des enfants et initier des activités de développement à partir de 40 000 fois leur donner tous les deux mois, dit Michel Nyabenda, coordinateur du projet Merangabandi. Certains des sujets qui feront objet d'enseignement pendant 3 ans et demi sont surtout l'éducation pour le changement de mentalité et de comportement, l'éducation à une alimentation équilibrée, à la protection des enfants et des femmes enceintes, au micro-projet et à l'intérêt de la scolarisation des enfants et à l'adhésion aux mutualités de santé. Michel Nyabenda dit que l'objectif visé est que les ménages à qui on donne l'aide monétaire puissent l'exploiter et sortir de la pauvreté et vivre d'une façon décente comme les autres, même quand ils n'auront plus d'assistance monétaire. Ces activités d'accompagnement mises en œuvre dans la province de Ruyigi par l'ONG ActionAid ont été officiellement ouvertes ce vendredi au chef-lieu de la province de Ruyigi. Jean-Claude Nshimirimana, Ruyigi, Radio Isanganiro. De l'est du Burundi en province Ruyigi, rendons-nous au centre, plus précisément en province Gitega, et spécialement en commune Giheta de la province Gitega. Et c'est au site historique du tambour burundais à Gishora, où un grenier a servi de cachette au roi Mwezi Gisabo lors des attaques perpétrées par ses ennemis en 1903 sur la colline Gishora, je vous le disais, en commune Giheta de la province Gitega. Cette page culturelle est signée Christian Savie. Fuyant les attaques de ses ennemis, le roi Mwezi Gisabo a été accueilli puis caché dans un grenier bien aménagé par une famille de Gishora en commune et province Gitega. Nous sommes en 1903, comme nous l'explique un des responsables du site de Gishora. La guerre a commencé à Murambya et le roi a fui ses ennemis vers Gitega, plus précisément à Gishora. Il a été accueilli et caché par un vieillard et ses deux fils qui, à l'aide de leurs troupeaux de vaches, ont pu effacer les traces du roi. Mais ses ennemis ont continué à chercher partout, armés de flèches, des lances, et léchés devant, suivant l'odeur du roi. Le vieux qui a accueilli le roi Mwezi Gisabo, aidé par ses deux fils, trouve une façon de cacher le roi. C'est ainsi que le vieux et ses deux fils un appelé Brahi et l'autre Inabukukwe, ont usé de leur cerveau pour trouver un moyen efficace pour cacher le roi. Ils se sont servis d'un grenier à moitié vide, trouant deux trous qui allaient servir au roi de canal de respiration, d'écoute et même de vision au cas où l'ennemi approche. Ses ennemis sont venus en premier, guidés par les chiens suivant les traces d'odeur laissées par le roi. Après quelques instants, apparut d'abord les ennemis du roi qui ont demandé au vieil s'il aurait vu un homme qui se dit roi du Burundi. Et le vieil répond négativement. Ils ont continué leur route vers la région de Bweru dans la province Ruyigi. Ensuite, c'est le tour des Badasigana qui sont des guerriers du roi. C'est le tour des guerriers du roi qui sont arrivés sur place et ont demandé au vieux s'il l'aurait vu. Le vieux a toujours refusé. Mais le roi a reconnu la voix de ses hommes et a demandé au vieux de les rappeler. Sauvé par ses soldats, le roi reprend les commandes. Envoie une unité traquer ses ennemis à l'est. Et une autre reste avec lui à Gishora. Et une troisième est envoyée à Muramvya pour une mission noble. Le roi décide d'envoyer une partie de ses hommes traquer les ennemis vers l'est. Une autre est construire trois grandes maisons au palais royal à Gishora. Une dernière partie est envoyée à la capitale royale Muramvya pour amener deux tambours Kargenda et Rukinz. Le rôle et fonction de ces tambours, c'est samedi prochain. C'est par cette page culturelle que je mets un point final à cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Elika Dogo qui a assuré la mise en onde. Après cette édition, vous suivez la revue de la presse. Excellente soirée à tous et à tous. Au revoir. Mireille Kanyang. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute. Le Burundi est appelé à payer ses arriérés dans les contributions au fonctionnement de la communauté est-africaine, gravitant autour de 25 millions de dollars américains. C'est Net Presse qui l'écrit, se référant à la correspondance adressée par le président du Conseil des ministres de l'EAC à la ministre burundaise en charge de l'EAC. Comme l'écrit ce journal en ligne, le ministre ougandais des Affaires de la communauté est-africaine, Kirunda Kibvijinja, rappelle les directives du Conseil des ministres de l'EAC selon lesquelles chaque État membre devrait payer l'intégralité de sa contribution annuelle avant la fin du deuxième trimestre de chaque année fiscale. Cette lettre est citée par Net Presse révèle que le solde total des contributions du Burundi au secrétariat et institutions de l'EAC est de plus de 25 millions de dollars et qu'elle fait suite à la réunion de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine EALA tenue à Nairobi au Kenya pour analyser et approuver le budget de la communauté pour l'exercice 2018-2019. L'Agence de promotion des investissements prévoit la promotion des filières lait et pêche, deux filières qui font face à de nombreuses contraintes, révèle Burundi Echo. Ce journal écrit que pour la filière pêche, par exemple, pendant la période de capture, les prix du poisson chutent et dans le cas contraire, ils augmentent. Cela prouve qu'il y a des problèmes liés à la conservation. Sinon, il y a surproduction. On devrait pouvoir transformer ce poisson et le conserver pour le revendre tout au long de l'année. Burundi Echo rapporte les explications du directeur de l'API qui montre que les prix sur le marché fluctuent en fonction de l'offre et que donc l'API veut donc apporter son appui pour vendre sur le marché local et international. De même, les campagnes de distribution des vaches laitières augmentent la production laitière. Dans certaines provinces, place, il y a surabondance du lait, ce qui fait chuter les prix et cela risque de décourager les agri-éleveurs. Pour pallier à ce problème, l'API propose de former les intervenants sur tous les maillons de la chaîne, rapporte toujours ce confrère spécialisé dans les questions économiques. Revue de la presse. Les députés plaident pour l'accès de la mutuelle de la fonction publique aux industries pharmaceutiques. Le journal Iwachu évoque un rapport de l'enquête menée en octobre dernier par l'Assemblée nationale auprès des intervenants dans la mutuelle de la fonction publique et présenté mardi 22 janvier à l'hémicycle d'Okigobe devant Martin Niviavandi, ministre des Affaires sociales, par la commission permanente des Affaires sociales à l'Assemblée nationale, qui a notamment déploré l'insuffisance des médicaments dans les pharmacies de la mutuelle et la violation des contrats qui lient cette société avec ses affiliés. Certains cas montrent que la mutuelle de la fonction publique couvre moins de 10% des frais au lieu de 80% convenus. D'après l'enquête, poursuit notre confrère, les grossistes des médicaments Alchem et Multifar où s'approvisionne la mutuelle sont en même temps des détaillants avec des pharmacies en partenariat avec la mutuelle de la fonction publique. Le journal Iwachu termine sur cette conclusion du ministre Niviavandi, à savoir que pour lui, l'urgence est d'assurer la disponibilité et l'accès des médicaments aux patients et soutient qu'un partenariat entre la centrale d'achat des médicaments essentiels du Burundi, Kamebo, et la mutuelle de la fonction publique est nécessaire. Les responsables des écoles ayant obtenu moins de 30% doivent être limogés sans délai. C'est ainsi que le journal La Voix de l'enseignant rapporte l'injonction donnée par la ministre de l'Éducation aux directeurs provinciaux de l'éducation, de la formation technique et professionnels qui doivent enclencher le processus de destitution des directeurs des établissements de leur ressort ayant obtenu des résultats médiocres dans le concours national édition 2018. Les plus de 160 directeurs concernés par cette mesure proviennent de toutes les directions provinciales de l'enseignement du pays. Cet hebdomadaire de l'éducation précise que ces écoles ont obtenu une note inférieure à 30% dans cette épreuve nationale, raison pour laquelle la ministre Janvier Ndirahisha les accuse d'être incapables d'encadrer leurs établissements et de mobiliser les enseignants autour de la recherche de la performance. Les concernés par cette mesure s'estiment être des boucs émissaires pour masquer les problèmes multiples qui gangrènent le secteur de l'éducation et qui influent négativement sur la réussite. Et notre confrère de conclure, ces directeurs d'école ne demandent qu'une chose, être affectés non loin de leur domicile, une fois destitués. Enfin, l'agence burundaise de presse rapporte que des abandons de familles par des femmes allant dans les pays arabes et des grossesses non désirées sont toujours des réalités dans la province de Bubanza, principalement dans les communes de Bubanza, Rugazi et Manda. Et c'est la fin de cette revue de presse présentée par Francine Ndiokubgayo et Jean-Bosco Nduimana. À la prochaine.